De manière générale, les tramways circulent en dehors de la route, mais l'infrastructure d'une ville ne permet pas toujours que les diverses voies de circulation soient nettement séparées et attribuées à des véhicules en particulier. Ce qui différencie ces deux situations, c'est ce qui se passe dans le rétroviseur. Dans le cas numéro 2, je suis suivi par un tramway. Dans les deux situations, les feux sont au rouge. Et dans les deux situations, je dois m'arrêter. Le tramway est tenu, tout comme moi, de s'arrêter à cet endroit. Réponse B et D.